sun. Avec du pain rapide de côté et un saut d'avant. Puis les jambes amplement écartées, elles s'envolent dans un élan. Voilà que son corps se trémousse, que ses bras s'entortillent, que sa crinière éclabousse tout ce qui lui est hostile. Elle n'en demande.